21.4 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles ? Quoi, par exemple ? Ben, je ne sais pas, moi. Presque tout. À vous. Alors comme ça, vous trouvez qu'on enseigne beaucoup de choses inutiles ? Quoi, par exemple ? 2. Écoutez. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. D'accord, oui. Personne ne parle plus latin. À vous. Même au home latin, en plein quartier latin, on ne parle pas latin. 3. Écoutez. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Que vous êtes tendancieuse quand vous vous y mettez. À vous. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. 4. Écoutez. Quelle heure est-il ? Vous avez l'heure ? Il est midi moins cinq. À vous. Quelle heure est-il ? Vous avez l'heure ? 5. Écoutez. Il est midi moins cinq. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. Oh là là, je vais être en retard. Excusez-moi, je file. À vous. Il est midi moins cinq.